إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde, aux frères qui ont l'habitude de suivre nos cours tout le long de l'année, soit ici de manière physique à la mosquée avec nous, soit via Internet ou via notre site, et plus particulièrement nos frères invités qui sont en visite ici, le plus âgé parmi eux et les autres également. Et je voudrais, Annie, puisqu'on est dans un cours ici, et vous rappelez le hadith du prophète Ali Sallam quand il a souhaité la bienvenue à un talib ilm, il a dit marhaban bi talib ilm. Et donc en guise de suivi de notre noble prophète Ali Sallam, je vous dis marhaban bikum ya talib ilm. Après ça, on continue donc notre livre sur la prière, qui est le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, la description de la prière du prophète Ali Sallam, comme si tu la voyais du takbir au teslim, c'est-à-dire du début à la fin. Et c'est un livre qui est expliqué par Cheikh Mohamed Ben Omar Bazmoul, qui est un Cheikh contemporain, qui est toujours vivant. Il habite à la Mecque, il enseigne à la Mecque. Et c'est un livre qui a été édité, en tout cas l'édition que moi j'ai ici, par Dar Tawhid et Dar Istiqama. On est arrivé au chapitre Italat al-Rukou'. Donc on est toujours attaché à étudier les chapitres concernant le Rukou'. Et ce sera un cours qui sera assez court, Inch'Allah, aujourd'hui. Et plutôt que de rentrer dans l'autre chapitre ou le chapitre suivant, qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui, eh bien j'ai décidé, Inch'Allah, de faire ce cours-là, de m'arrêter plus tôt que prévu, et de faire quelque chose sur une secte qui, malheureusement, Annie, se répand de plus en plus, et c'est la secte des Tekfiriyin. Donc c'est un article que j'ai traduit, et je voudrais, Annie, vous faire profiter de cela, plutôt que de finir le cours plus tôt et de ne rien faire. À la kulli hal, on lit directement le livre de Cheikh Bazmoul Hafidahullah, « Italat al-Rukou'a ». وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. On va déjà traduire ce très court chapitre en disant donc c'est un nouveau chapitre et l'auteur qu'à l'Alifaz Miséricorde qui est Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit allonger le temps d'inclination, c'est-à-dire allonger le temps de ركوع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait pratiquement aussi longtemps en position d'inclination que dans la position debout, al-qiyam, qui la suit. Donc je répète cette phrase, il restait pratiquement aussi longtemps en position d'inclination que dans la position debout qui la suit, dans la prosternation ou en position assise entre les deux prosternations. Alors imaginez-vous maintenant quand on commence la prière, on a dit on commence par quoi ? Takbirat al-ihram. C'est par ça qu'on rentre dans la prière. Pourquoi est-ce qu'on appelle Takbirat l'Ihram ? Eh bien parce qu'il y a des choses qui étaient licites avant la prière qui deviennent illicites. On avait déjà un exemple ou quelques exemples la semaine passée. Par exemple quoi ? Manger. Par exemple quoi d'autre ? Parler. Hein ? Parler, c'est autorisé, hein, quand on, surtout en tout cas dans le bien. Et le fait de manger, mais par le fait que tu dises Allahu Akbar et que tu rentres dans la prière, ça te devient illicite. C'est pour ça qu'on appelle Takbiratu l'Ihram. Après, bon, on a les autres piliers, etc. qui arrivent, on a le qiyam hein, et d'autres piliers, etc. Et puis on arrive au ruku'. Et bien évidemment, après le ruku', il y a ce qu'on appelle al-raf' min al-ruku'. Et il y a un qiyam là, c'est juste ou pas ? D'accord ? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, restait pratiquement aussi longtemps en position d'inclination que dans la position debout qui la suit, dans la prosternation ou en position assise entre les deux prosternations. On va voir ce que ça veut dire, Inch'Allah. Là-dessus, on a déjà une petite explication de ce petit passage-là de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul, qu'Allah le préserve et le récompense par le Firdaus al-A'la. Il nous dit « Ya'ni min jihati al-waqt alladhi yushghiluhu wa kana ruku'uhu sallallahu alayhi wa sallam yushghilu muddatan zamaniyatan qaribatan min al-muddati al-zamaniyati allati yushghiluha fi sujudihi qariban min al-muddati al-zamaniyati allati yushghiluha fi julusihi bin al-sajdatayn wa hadha min al-sunnah » Donc Cheikh Bazmoul, il nous dit: pratiquement identique, parce qu'on a dit en arabe qariban min as-sawa, et bien pratiquement identique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire par rapport au temps qu'il y passait, l'inclination du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était d'un temps pratiquement identique au temps qu'il passait dans sa prosternation, dans son sujoud, et pratiquement identique au temps qu'il passait dans ce qu'on appelle al-jilsa, hein, comme dit Cheikh Raslan, entre les deux sujoud, al-jilsatu bayna as-sajdatayn. Et c'est quoi? Hein, c'est qu'il restait un temps pratiquement identique à ce temps-là aussi. Et ceci fait partie de quoi? De la sunna. Wa hada min as-sunna, comme l'a dit Cheikh Bazmoul, hafidahullah. Maintenant, on rentre dans l'autre chapitre qui est un peu plus long et qu'on terminera aujourd'hui aussi, inshallah. Al-nahyu an qira'ati al-Qur'an fi al-ruku'. Wa kana yanha, alayhi salatu wa salam, an qira'ati al-Qur'an fi al-ruku'i wa al-sujud. Wa kana yaqul, ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'an raki'an aw sajida. فأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن كما يدي شيخ رسلان حفظه الله فقمن aussi أن يستجاب لكم. Donc Cheikh Al-Albani رحمه الله, il continue en disant, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: l'interdiction de réciter le Coran durant l'inclination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait de réciter le Coran pendant l'inclination, le ruku', et la prosternation, le sujoud. Il disait: certes, il m'a été interdit de réciter le Coran pendant l'inclination ou la prosternation. Pendant l'inclination, glorifiez Allah. Et pendant la prosternation, faites des invocations autant que vous pouvez, car vous serez plus à même d'être exaucé. Faqaminun. Hein? Une petite question que je voudrais vous poser pour un peu susciter l'intérêt pendant le cours. On va voir la réponse, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, mais déjà pour voir qu'est-ce que vous dites, est-ce qu'il est autorisé de faire des invocations dans le ruku' ou pas? Ou c'est spécifique au sujoud? Qui dit oui, qui dit non? Qui dit Allah alam? Amil a dit non. Hein? Donc je répète, hein, est-ce que c'est autorisé de faire des invocations dans le ruku' ou c'est spécifique? Donc tu dis oui, toi? Ouais, tu dis oui? Ça va, vas-y. Retiens ce que tu as dit, d'accord? C'est pas pour vous mettre mal à l'aise, hein, mais c'est pour susciter l'intérêt, pour vous engager un peu dans le cours. T'as dit quoi? Je répète ma question. Est-il autorisé de faire dua dans le ruku', l'inclinaison, ou est-ce spécifique au sujoud? Tu dis oui, donc on peut. D'accord. Mais tu me poses une question. Tu dis oui ou non? On va voir la réponse, ne inquiétez pas, mais c'est pour. Hein? Ben, on laisse Annie la réponse dans un instant, Inch'Allah. Sauf qu'on a le jawab, Inch'Allah. L'explication maintenant de ce passage que je viens de traduire, je pense que je l'ai traduit, hein, de Charles Albani le dernier. Hein? D'accord. Eh bien, Cheikh Bazmoul, il nous dit: Tadammana hada al-fasl al-masa'il taliya. Comme à son habitude, il nous tire chaque fois les points, il nous extrait les points tirés de chaque chapitre, et il dit: Hafidahullah, al-mas'alatu al-oula. تحريم قراءة القرآن في الركوع لثبوت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فلا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود وهل يجوز أن أدعو في الركوع أو السجود بدعاء ورد في القرآن الكريم. C'est ça la première question que je vous aurais dû vous poser, hein? J'ai un peu vendu la mèche, d'accord. La première question, c'est quoi? Est-il autorisé de faire une dua qui est dans le Coran? Et qui nous a donné un exemple de dua dans le Coran? Hassana, wa fil akhirati hassana, wa qina adhab an-nar, sourate al-Baqara. Quoi d'autre? Oui, par exemple aussi, sourate Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Et d'autres dua. Alors maintenant la question, C'est une doua, mais c'est un verset du Coran. Donc, et l'interdiction de réciter le Coran a été établie, on va le dire, dans le Rukua. Donc, est-ce qu'on peut dire cette doua dans le Rukua ? Ben, la réponse, elle est là. Wal jawab, na'am, yajouz. على أن لا يريد المسلم بهذه قراءة الآية إنما يأخذ من الآية الدعوات التي وردت فيها ويدعو بها في الركوع أو السجود. Pour la première question que j'avais posée, on aura la question plus tard, la réponse plus tard, inshallah. فإنه إذا صنع ذلك لا يكون قد دخل في النهي لأنه لا يعتبر قارئا للقرآن العظيم بهذا. وقد ثبت حديث أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه. Ça, je rejoins ce que Hassan disait tout à l'heure. Subhanak Allahumma, c'est à cela que tu faisais référence? Wa bihamdika Allahumma ghfir li. Wa kan yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujoudihi yata'awwal al-Qur'an. Ma'na yata'awwal al-Qur'an, comme on l'a déjà vu dans le cours précédent, ay ya'malu bima amarahu Allah subhanahu wa ta'ala bih. Min tasbihihi bihadihi al-sigha wa huwa ma ja'a fi surati al-Nasr min qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wa staghfirah innahu kana tawwaba. Donc, Cheikh Bezmoun nous explique ce chapitre en disant que ce chapitre contient les points suivants. Le premier point, le caractère illicite ou l'interdiction de lire le Coran dans l'inclination. Et ce, en raison de l'interdiction rapportée de manière authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de réciter le Coran dans l'inclination et la prosternation. Il est donc interdit aux musulmans de réciter le Coran dans l'inclination et la prosternation, dans le rukou et dans le sujoud. Là, on est d'accord. Et maintenant, la question est, est-il autorisé d'invoquer dans l'inclination ou dans la prosternation par une invocation qui a été rapportée dans le Coran, qui a été rapportée dans le noble Coran? La réponse de Cheikh Bezmoul et la réponse est oui. Cela est autorisé à condition que le musulman n'ait pas l'intention, en faisant cela, de réciter le verset. D'accord? Mais il prend seulement du verset les invocations qui ont été rapportées. Et il invoque avec ces invocations dans l'inclination et la prosternation. Et s'il fait cela, il ne rentre pas dans l'interdiction, car il n'est pas considéré comme dit la yu'tabaru qari'an lil Qur'an. Il n'est pas considéré comme récitant le sublime Coran en faisant cela. Et il a été rapporté de manière authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans son inclination subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfir li. Et il faisait cela alayhi salatu wa sallam de nombreuses fois, kana yukthiru min dhalik, dans son inclination et dans sa prosternation, en mettant en pratique le Coran. Et le sens de il mettait en pratique le Coran est wa kan yata'awwal al-Qur'an. Il mettait en pratique ce que Allah lui a ordonné de faire comme tasbih avec cette formulation. Et c'est ce qui a été rapporté dans la sourate An-Nasr. Qui s'est donné la partie où il y a l'ordre de tasbih dans sourate An-Nasr? Fasabbih, hein? Fasabbih. Donc l'ordre du tesbih, il est là. Avec cette formulation, et c'est ce qui a été rapporté dans la sourate Nasr, la victoire, dans le verset dont la traduction du sens est « Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir, du repentir. » Sourate Nasr, verset 3. Deuxième point tiré de ce chapitre. « Al-mas'alatu thaniya » Il y en a trois à tirer de ce chapitre. قوله صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب سبق قبل قليل في أذكار الركوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة فيها تعظيم للرب سبحانه وتعالى. Pour les frères qui étaient là au cours précédent, qui sait me dire combien il y a de formulations qu'on a vues, en tout cas nous ensemble la semaine passée, d'invocation dans le ركوع. Vas-y. On en a vu 7, sahih, ahsant. وهي أفضل الصيغ في تعظيم الله سبحانه وتعالى في الركوع وظاهر الحديث أنه يجوز بغيرها مما فيه تعظيم للرب. Donc ici, peut-être qu'on a déjà répondu à une question la semaine passée par rapport à ce cours-là, en rapportant ce cours-là, et peut-être qu'il y a d'autres questions que les frères ont et les sœurs ont, hein, dans leur vie de tous les jours, et qui, inchallah, ils vont peut-être trouver une réponse dans ce cours-ci. Le deuxième point tiré de ce chapitre, que je rappelle qui est sous le titre « L'interdiction de quoi ?» De réciter le Coran dans Al-Ruku'a. Eh bien, sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas la traduction du sens, « Tandis que dans l'inclination, glorifiez-y le Seigneur. »« Fa'azzimu fihi al-Rabb. » Nous avons vu qu'il y a peu que dans les invocations, pendant l'inclination, de nombreuses formulations de glorification du Seigneur, et ce sont les meilleures formulations de glorification d'Allah dans l'inclination, dans le ruku'. Et ce qui est apparent du hadith, c'est qu'il est autorisé d'en dire d'autres parmi celles où il y a une glorification du Seigneur. Troisième point tiré de ce chapitre, المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامين كما جديد في une رواية فقامان أن يستجاب لكم معناه أن الإنسان يحرص على الإكثار من الدعاء في السجود لأن السجود من مواضع الاستجابة في الصلاة فيدعو المسلم داخل الصلاة في سجوده إن شاء أو في ركوعه إن شاء فإن قيل ألا يفهم من قولي فأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء أن الركوع ليس من مواضع الدعاء وذلك بالمفهوم. Et puis il va rapporter la réponse, inshallah. D'accord? Le troisième point. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, est pendant la prosternation. Faites autant d'invocations que vous pouvez car vous serez plus à même d'être exaucé. Le sens de cela est que l'individu se doit de s'attacher, yahris, à multiplier les invocations dans la prosternation. Car la prosternation fait partie des endroits, moments, où les invocations sont acceptées durant la prière. Hein? Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait chaque année avec les enfants de Salafi School, c'est qu'on fait toujours « Amakin istijabat al-du'a » ou « Al-ashras alladhi yustajabu minhum al-du'a » Et quoi d'autre, Salama? Vas-y. Tu peux le dire en anglais, parce qu'on a vu ça en anglais, je sais. Hein? « Specific times » Quoi? « Mahir » Hein? Tu peux dire en anglais, c'est pas grave. Spécifique quoi? Places, ça y est. Et quoi d'autre? Hein? Qui sait me dire ici un temps spécifique où le dua est accepté? Vas-y. L'adhan l'iqama. Eh ouais, naam. Akhir min surat l'asr. Min waqt l'asr, naam. Quand il pleut. Donc il y a des moments spécifiques où le doigt est accepté. Il y a des endroits spécifiques où le doigt est accepté. Et il y a des gens spécifiques de quelle allure leur doigt est accepté. Qui sait me donner une personne, une place. Je parle en anglais maintenant, subhanallah. Un endroit, hein, et un temps. Vas-y. Le voyageur. Quoi d'autre? الوالد لابنه ها للوالد ها المظلوم vas-y ça c'est quoi c'est un temps ou un endroit t'es sûr hein? Donc moi par exemple le jour de Arafat moi je suis pas Arafat mais t'as raison hein quoi d'autre. Eh ouais. Ouais, toi, t'as écouté le cours en classe ou quoi? Hein? Tandis que tu donnais cours dans ta classe, t'as écouté ou quoi? Alhamdulillah. Ah, c'est ça le tarbiyah salafi. Les enfants, ils rappellent au professeur, ostéd, on est mercredi entre Dohr et l'Asr, il faut faire doua. Hein? Il y a un hadith Hassan. Non. Quoi d'autre? Vas-y. Inch'Allah. Là, quand tu dis le sujet. Vas-y, quoi d'autre? Un endroit. Quoi d'autre? Quand on tourne autour de la Kaaba. Quel endroit spécifiquement? Et? À la coulée hal, je vous recommande un livre de Cheikh Abdelazak al-Badr qui s'appelle Fiqh al-Du'a al-Adhkar. C'est deux gros volumes. Hein? Il rapporte tout ce qu'il faut savoir en général sur le dhikr, l'importance du dhikr, du du'a, les preuves au niveau de cela, les bienfaits. Il rapporte que Ibn Qayyim rahimahullah, dans le Wab al-Sayyib, il dit qu'il y a plus de 100 bienfaits dans le fait de faire le dhikr. Hein? Et il en rapporte déjà lui-même plus de 70. Et Cheikh Abdelazak, dans ce livret-là, il en amène quelques-unes. Hein? D'accord? D'ailleurs, cette semaine, le cours de cette semaine que j'ai fait à Salafi, c'était quoi? The Fortress of quoi? Hein? La forteresse du musulman tirée du hadith. Hein? Le premier bienfait que Cheikh Abdelazak a cité dans le fait de faire dhikr, c'est quoi? C'est le fait que dhikr, c'est une forteresse. Hein? Et que, comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, le ghafla, l'insouciance, c'est le fait d'ouvrir une porte à Shaitan pour entrer dans cette forteresse. Hmm? Si vous voulez que je fasse une copie du devoir. À la kulli hal. Donc, troisième point, on va déjà traduire cette partie-là. Sa parole est pendant la prosternation. Faites autant d'invocations que vous pouvez, car vous serez plus à même d'être exaucé. Le sens de cela est que l'individu se doit de s'attacher à multiplier les invocations dans la prosternation, car la prosternation fait partie des endroits ou des moments. Lui, il a dit mawadi'a. Hein? Et c'est vrai que sujoud, c'est rapporté des textes hein, sur le fait de faire sujoud et que doit l'accepter à ce moment-là. D'accord ? Où les invocations sont acceptées durant la prière. Le musulman, donc, dans sa prière, invoque s'il le veut dans sa prosternation et s'il le veut dans son inclination. Si quelqu'un venait à dire, ne comprend-on pas de la parole ? Et pendant la prosternation, faites autant d'invocations que vous pouvez. Que l'inclination ne fait pas partie des moments ou endroits où on invoque. Et ceci parce que l'on comprend de ce texte, c'est-à-dire par mafhoum an-nas, comme l'a dit le shir. C'est-à-dire que ce texte, on comprend que فَجْتَهِدُوا فِيهِ فِي الدُّعَى Eh bien, on comprend ce texte-là que c'est, le dua, c'est que pour la prosternation. Et Cheikh, il va répondre lui-même à la question et il dit فَالْجَوَابُ لَا لَا يُفْهَمُ ذَلِكَ Et maintenant, vous avez tous votre réponse. بَلْ أَلَّذِي يُفْهَمُ فَقَطْ كَوْنُ الدُّعَى فِي السُّجُودِ مُؤَكَّدَى وَتَحَقُّقْ لِجَابَ فِيهِ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ وَلَا يُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الدُّعَى فِي غَيْرِ السُّجُودِ لَا يَجُوزُ وقد مضى قبل قليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام في ركوعه بقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. Donc c'était bien une preuve hein, dans la mesela. Tu avais raison, Hassan. هذا كله دعاء. إذ الدعاء نوعان. Et ça, c'est important de comprendre ça, les frères. Le دعاء est de deux types. دعاء مسألة وطلب ودعاء تمجيد وتعظيم. والركوع بالصيغ التي وردت فيه من الأدعية والأذكار اشتمل على النوعين فدل على جواز الدعاء في الركوع إذن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فمعناه أن أفضل مواضع الدعاء في الصلاة هو السجود. Donc on a notre réponse maintenant, notre question qui est la réponse est non. On ne comprend pas cela du texte. Mais de plus, ce qui est uniquement compris, c'est qu'il y a une insistance, que c'est mu'akkad, sur l'invocation dans la prosternation. Et que la réalisation de l'acceptation de l'invocation est plus proche à ce moment-là qu'à d'autres durant la prière. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on ne comprend pas que l'invocation en dehors de la prosternation est interdite. Et nous avons vu, il y a peu, le hadith de Aïcha radiallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait dans son inclination en disant « Subhanak Allahumma wa bihamdik, Allahumma ghfirli » Ceci est une invocation. Et sa parole « Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu alayka tawakkaltu anta rabbi » Tout ceci est une invocation. Car l'invocation à du'a est de deux types. Retenez le nom, c'est du'a ou mas'ala wa talab, ou bien du'a ou temjidin wa ta'zimin. Je répète, du'a ou mas'alatin wa talabin, ou bien du'a ou temjidin wa ta'zimin. C'est-à-dire, du'a, mas'ala wa talab, c'est une invocation de demande, si vous voulez. Mas'ala wa talab. Et du'a, temjid wa ta'zim, c'est-à-dire une invocation de louange et de glorification. Et l'inclination, avec les différentes formulations qui ont été rapportées, englobe les deux genres d'invocation, du'a mas'ala wa talab et du'a tamjid wa ta'zim. Ceci indique donc la permissibilité d'invoquer dans l'inclination, dans le ruku'. Donc c'est autorisé. Donc le sens de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est pendant la prosternation, faites autant d'invocations que vous pouvez, et bien le sens de cela est que le meilleur des moments pour invoquer dans la prière est lors ou pendant la prosternation. D'accord ? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Avec ça, on a fini le cours de Sifat Salah pour aujourd'hui. Hein ? Peut-être qu'on fait une petite pause d'une ou deux minutes, le temps de laisser le frère qui s'occupe de la technique enregistrer.